إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on se retrouve donc aujourd'hui pour la lecture et l'étude de la dernière épître liée au Tawhid que l'on va voir lors de ce séminaire, Inch'Allah ta'ala. Et cette épître, elle est intitulée « Des annulatifs de l'islam ». Et avant de commencer à la lire, il est important pour nous tout d'abord de comprendre les termes du titre de cette épître, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un annulatif et qu'est-ce que l'islam. Ce qui est visé par l'annulatif, c'est ce qui annule, ce qui rend quelque chose caduc et vain. À l'exemple, des annulatifs des ablutions, qui sont les choses qui annulent les ablutions et les rendent vaines. Et l'islam, dans la langue arabe, cela signifie la soumission et l'assujettissement. Quant à son sens religieux, on l'a déjà vu lors de la lecture des trois fondements. C'est la soumission à Allah par l'unicité, la sujétion à lui par l'obéissance et le désaveu de l'association et de ses adeptes. Et ceci, comme on a dit, c'est la religion de l'ensemble des prophètes et des messagers, alayhimu salatu wassalam. C'est donc l'islam dans son sens général. Et dans son sens particulier, c'est le message apporté par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la seule religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit dans son noble livre, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Certes, la religion acceptée par Allah est l'islam. Donc ceci est donc le sens du mot annulatif et le sens du mot islam. Revenons maintenant au titre de cet épître, les annulatifs de l'islam. Qu'est-ce qui est visé par cela? Les annulatifs de l'islam, ce sont tout ce qui fait passer la personne de l'islam à la mécréance. Et ils sont également appelés les causes de l'apostasie. Et cette apostasie, elle a quatre causes principales, qui sont la parole, l'acte, la croyance ou le doute. La parole, à l'exemple de celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci sort de l'islam par cette parole. L'acte, comme celui qui sacrifie ou se prosterne pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est du polythéisme majeur, dont l'auteur sort de la religion de l'islam. La croyance, comme celui qui croit, par exemple, que la prière n'est pas obligatoire, que la prière n'est pas importante. Il a donc cette croyance dans son cœur, et celle-ci le fait sortir de l'islam. Et la quatrième cause de l'apostasie, c'est le doute, qui est l'hésitation. C'est donc différent de la croyance. La croyance, la personne, a une conviction. Tandis que là, elle a le doute. Est-ce que l'islam est réellement la vraie religion? Est-ce que l'enfer et le paradis existent? Est-ce qu'on sera vraiment ressuscité? Celui qui doute sur ces sujets, qui n'a pas la certitude de cela, alors par ce doute, il mécroît et sort de la religion de l'islam. Toutefois, il faut faire attention ici à ne pas confondre entre le doute, qui est la réelle incertitude de la personne, et les simples insufflations du diable qui peuvent traverser l'esprit du croyant. Ceci sont donc les quatre causes principales de l'apostasie qui font partie des choses que le musulman doit impérativement connaître. Car aujourd'hui, nombreux sont les prêcheurs au mal et à l'égarement qui appellent à toutes sortes d'ambiguïtés et de passions. Le musulman, il doit donc se préserver et il ne doit pas se sentir à l'abri quant à sa religion. Mais tu dois craindre pour toi-même de tomber dans l'apostasie. Ne pense pas que sous prétexte qu'aujourd'hui tu es musulman, que tu es sur la sunna, que tout est gagné pour toi et que tu as atteint le sommet. Sache que ni toi ni moi nous ne sommes à l'abri. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur sa religion. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait cette invocation qui est de dire « Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. » Ô Allah, toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait cette invocation, alors que dire de nous? Il nous incombe encore plus de la faire sans cesse, dans nos prières et à tout moment de la journée. Et la dangerosité des annulatifs de l'islam, elle nous montre l'importance de l'étude de la science de manière générale, mais plus particulièrement de la science du tawhid et de cette épître de façon particulière. Et ce, afin que tu puisses t'écarter de ces choses annulant l'islam. Car, comme on l'a mentionné dans des cours précédents, Celui dont l'islam est annulé, toutes ses œuvres sont annulées. Aucune œuvre ne sera acceptée de lui, et il sera dans l'enfer, pour y demeurer éternellement, s'il ne se repent pas avant sa mort. Il est donc très important pour nous de connaître ces annulatifs. Toutefois, j'attire votre attention qu'il nous incombe d'étudier ces annulatifs à la lumière du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, et ce en revenant aux explications des grands savants de la Sunna qui ont commenté et expliqué cette épître, et ce afin d'en avoir une connaissance authentique. Car aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se sont égarés sur ces questions et qui ont dévié de la voie droite concernant les annulatifs de l'islam. Et les gens, de manière générale, se divisent en trois catégories à ce sujet. Deux extrêmes et le groupe du juste milieu. Le premier groupe de personnes sont ceux qui exagèrent dans le takfir, comme le font les khawarij, qui taxent de mécréance les gens sans aucune science. Ils considèrent le musulman qui commet un grand péché, comme le vol ou la consommation d'alcool, ils le considèrent mécréant, même si son péché est moindre que le shirk et la mécréance. Le deuxième groupe, qui est l'autre extrême, l'extrême inverse, c'est ceux qui disent que la foi est dans le cœur et qui ont la conviction que les œuvres, et même pour certains les paroles, ne font pas partie de la foi. Donc pour eux, les actes que l'individu accomplit, ils n'ont pas d'influence sur sa foi. Quoi qu'il fasse, il ne peut pas mécroire, à partir du moment où, comme ils le prétendent, il aurait la foi dans son cœur. Et ces deux groupes, ils se sont égarés de la voie droite, car ils n'ont pas réuni entre les textes du Coran et de la Sunna, entre les textes de la promesse et ceux de la menace. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, il y a des versets dans lesquels il menace d'un châtiment celui qui fait telle ou telle œuvre. Et dans d'autres versets, il promet le pardon, la miséricorde à ses serviteurs. Donc les Khawarij, ils se sont focalisés sur les textes de la menace. Et ils ne les ont pas réunis avec les textes de la miséricorde et du pardon. Et les Murji'a, ils ont fait l'inverse. Ils se sont focalisés sur les textes de la miséricorde et du pardon. Ils n'ont pas tenu compte des textes liés à la menace. Et c'est pour cela qu'ils se sont égarés. Quant aux gens de la Sunna, qui sont le troisième groupe, le groupe du juste milieu, ils ont réuni entre les textes de la promesse et ceux de la menace. Et ils distinguent entre la mécréance majeure et la mécréance mineure, entre l'association majeure et l'association mineure. Et ils distinguent cela des péchés moindres que le polythéisme et la mécréance, dont l'auteur ne sort pas de l'islam. Ceci est donc un point très important par lequel les gens de la Sunna se distingue des gens de l'innovation en ce qui concerne les annulatifs de l'islam. Et il y a un autre point par lequel les gens de la sunna se distinguent des innovateurs au sujet du takfir, c'est le fait qu'ils font la différence entre le takfir al-mutlaq et le takfir al-mu'ayyan. Le takfir al-mutlaq, cela signifie le fait de considérer la mécréance d'un type d'individu de manière absolue, sans désigner une personne particulière. Et ceci est une obligation pour le croyant. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jugé comme étant de la mécréance, il est obligatoire pour nous de croire que cela est de la mécréance. Ensuite, le deuxième type de takfir, c'est le takfir al-mu'ayyan, le fait de juger de la mécréance d'un individu précis. Et cela nécessite la réunion de conditions et la levée d'empêchements, et ceci revient aux gens de science, parmi les savants et les juges. Nous devons donc faire la différence entre ces deux jugements. Et nous, lors de notre étude de cette épître, nous parlerons du takfir de façon absolue, sans désigner des individus précis. On va donc commencer à lire, après cette brève introduction, les paroles de l'auteur, rahimahullah ta'ala, qui sont donc à la page 53 dans le livret PDF. Il a dit, rahimahullah, sache que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. Donc on a déjà vu que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il employait la forme impérative ici pour attirer notre attention et ce, car ce qu'il va nous exposer comme science est d'une grande importance. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous mentionne ici que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. Toutefois, si tu reviens au livre de Fiqh, au chapitre de l'apostasie, tu verras que les annulatifs sont bien plus nombreux que cela. Certains parmi les gens de science en ont même mentionné près de 400. Donc pourquoi le shir, rahimahullah ta'ala, a restreint les annulatifs ici au nombre de 10? La réponse est que ces 10 annulatifs que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnés, ce sont les plus dangereux et ceux dans lesquels les gens tombent le plus souvent. La deuxième raison, c'est que ces annulatifs qu'il a mentionnés, ils sont unanimement reconnus comme tels par les savants. Il n'y a pas de divergence à leur sujet. Et la troisième raison est que ces annulatifs sont la base des autres annulatifs. C'est-à-dire que les autres annulatifs que l'on peut trouver au chapitre de l'apostasie, ils reviennent tous à ces 10 qui en sont la base. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit, le premier est l'association dans l'adoration d'Allah. On voit donc qu'il a commencé ici par le shirk, le polythéisme. Et ce, car le shirk est le plus dangereux des annulatifs et le plus courant. Et comme on l'a vu précédemment, c'est le plus grave des péchés. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé et on lui demanda quel est le plus grave des péchés. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu donnes à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Le cheikh rahimahullah ta'ala nous mentionne donc que le fait de donner des associés à Allah dans l'adoration est le premier annulatif de l'islam. Et l'adoration, comme on l'a vu précédemment, c'est un nom qui englobe tout acte et parole apparent et caché qu'Allah aime et agrée, comme l'a défini le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc celui qui voit un de ses actes, qu'il soit apparent ou caché, ou une de ses paroles, parmi ses actes et ses paroles qu'Allah aime et agrée, celui qui les voue à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui voue l'un d'entre eux à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est certes tombé dans l'association majeure qui fait sortir son auteur de l'islam. Et comme on l'a vu dans les quatre règles, l'association, elle n'est pas restreinte à l'adoration des statues, comme nombre de personnes le pensent, mais elle est de différentes sortes. L'association consiste donc de manière générale à vouer une adoration autre qu'Allah, quel qu'il soit. Et on a vu que cette association, elle se divise en deux catégories. L'association majeure et l'association mineure. L'association majeure, c'est de vouer une adoration à autre qu'Allah. Son moteur sort de la religion de l'islam. S'il meurt sur celle-ci, il demeurera éternellement en enfer. Toutes ses œuvres sont annulées et le paradis lui est interdit. Quant à l'association mineure, c'est tout ce qui est mentionné dans le Coran et la Sunna comme étant de l'association du shirk et dont les preuves indique que son auteur ne sort pas de la religion de l'islam. À l'exemple de l'ostentation, comme cela est venu dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette association mineure, contrairement à l'association majeure, elle n'annule que l'œuvre dans laquelle elle est commise. Et son auteur ne sort pas de la religion de l'islam. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas prendre garde à l'association mineure, car c'est un très grave péché, parmi les plus graves péchés desquels le musulman doit s'éloigner. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné deux versets prouvant que le shirk annule l'islam. Le premier est le verset 116 de Sourate An-Nisa. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas le shirk. Il ne pardonne pas l'association à celui qui meurt sur celle-ci sans s'en repentir. Et quel est le shirk qui est concerné par ce verset? Est-ce l'association majeure seulement, ou bien l'association majeure et l'association mineure? Les savants ont divergé sur cette question. Certains ont dit que cela est spécifique à l'association majeure. Quant à l'association mineure, elle est sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il pardonnera à son auteur, et si Allah veut, il le châtiera à hauteur de son péché, de par sa justice et son équité. Puis il le fera entrer au paradis. Et d'autres parmi les gens de science ont mentionné que ce verset est général et englobe aussi bien l'association majeure que l'association mineure. C'est-à-dire que celui qui meurt en ayant fait du shirk, du polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur, et qu'il ne s'est pas repenti de celui-ci avant sa mort, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. Si c'est de l'association majeure, il sera éternellement en enfer. Et si c'est de l'association mineure, il sera châtié à hauteur de celle-ci, puis Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer au paradis. On voit donc à travers cela la gravité du polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur, et que ce n'est pas une question à prendre à la légère. Le deuxième verset est le verset 72 de Sourate Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu 'alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Quiconque associe à Allah, c'est-à-dire qu'il adore avec Allah autre que lui, Allah lui interdit le paradis. En effet, le paradis est réservé aux croyants monothéistes, ceux qui vouent leur culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte dans son recueil authentique d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Certes, nul n'entre au paradis en dehors d'une âme musulmane. Celui qui a fait du polythéisme majeur, il n'entrera pas au paradis, car il n'est pas musulman, il est sorti de l'islam. et son refuge sera le feu. Car au jour de la résurrection, il y aura seulement deux destinations. Soit le paradis, soit l'enfer. Il n'y aura pas d'autre destination. Donc celui à qui le paradis est interdit, son refuge, sera obligatoirement l'enfer, et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver. Et pour les injustes, point de secoureur. C'est-à-dire que ce jour-là, il n'y aura personne pour les secourir ou pour les sauver du châtiment. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un exemple d'association à Allah. Et il a dit, rahimahullah, entre dans cela le sacrifice pour autre qu'Allah, comme ceux qui sacrifient pour les djinns ou les tombes. Les formes de polythéisme, elles sont très nombreuses. Mais le cheikh, rahimahullah ta'ala, a sûrement choisi cet exemple, car c'est une des formes de polythéisme les plus commises parmi les gens. On a déjà mentionné le sujet du sacrifice lors de la lecture du Trois Fondements, mais on va le revoir ici de manière très concise. Le sacrifice, d'une manière générale, il se divise en deux catégories. Il y a un sacrifice qui est usuel et un sacrifice qui est cultuel. Le sacrifice usuel, c'est celui qui ne comprend ni péché ni récompense en soi, car la base est la permission. Mais la récompense ou le péché, elle aura lieu en fonction de l'intention qui accompagne l'auteur du sacrifice. À titre d'exemple, s'il sacrifie pour se nourrir, cela est permis, il y a en cela ni péché ni récompense. S'il sacrifie pour réjouir sa famille, ou alors pour donner la viande en aumône, alors il y a en cela une récompense. Et s'il sacrifie pour montrer qu'il a de l'argent, ou pour gaspiller la viande, ou autre mauvaise intention, alors il y a en cela un péché. Donc le sacrifice usuel, il n'a ni péché ni récompense en soi, mais cela revient à l'intention de son auteur. Le deuxième type de sacrifice, c'est le sacrifice cultuel, celui par lequel tu voues le culte. Et celui-ci se divise en trois sous-catégories. La première catégorie est le sacrifice cultuel légiféré. Et c'est celui qui est fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. À l'exemple du sacrifice de Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Ou alors le sacrifice d'Al-Aqiqa, lors de la naissance d'un nouveau-né. Ou alors l'offrande que présentent les pèlerins lors du pèlerinage. Le deuxième type de sacrifice cultuel, c'est le sacrifice cultuel innové. Et c'est celui qui est accompli auprès des tombes avec pour intention de rechercher la bénédiction de cet endroit. Puis ensuite, l'auteur de ce sacrifice va donner la viande en aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui-ci l'a sacrifié pour Allah, n'a pas sacrifié pour l'habitant de la tombe. Toutefois, il a commis en cela une innovation. Et certains parmi les gens de science ont même mentionné que cela relève du polythéisme mineur, car cela est une cause menant au polythéisme majeur. Et le troisième type de sacrifice cultuel, c'est le sacrifice cultuel relevant du polythéisme. Et c'est celui qu'a mentionné l'auteur, comme ceux qui sacrifient pour les djinns ou les tombes. Ceux qui sacrifient pour les djinns, par exemple, lorsqu'ils prennent une nouvelle maison, ils sacrifient sur le pas de la porte une bête, afin, comme ils le disent, de se préserver du mal des djinns. Et ceci est du polythéisme majeur. Son auteur sort de l'islam et lui incombe de se repentir avant sa mort s'il souhaite se préserver de l'enfer et entrer au paradis. Ceci était donc quelques questions liées au premier annulatif. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, le deuxième, c'est-à-dire le deuxième annulatif, quiconque place entre lui et Allah des intermédiaires, en les invoquant, leur demandant l'intercession, et en plaçant sa confiance en eux, a mécru à l'unanimité. Ceci est donc le deuxième annulatif de l'islam mentionné par l'auteur, rahimahullah ta'ala. Et quelle est la différence entre cet annulatif et celui qu'on vient de mentionner? Le deuxième annulatif, c'est une forme particulière du premier. C'est-à-dire que le premier, qui est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, il est général. Alors que le second, c'est une forme particulière de polythéisme. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a insisté sur celui-ci, car il est très fréquent chez les gens. Nombre de personnes parmi ceux qui s'affilient à l'islam pensent même que ceci fait partie de la religion. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il insiste sur cela, malgré que cela soit une forme du premier annulatif. Et l'intermédiaire, ce qui est visé ici, c'est le fait de prendre une personne qui servira de lien entre les créatures et Allah, subhanahu wa ta'ala. Les gens adressent donc leur demande à cet intermédiaire. Ils leur font part de leurs besoins. Et ils prétendent que ces intermédiaires font parvenir cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait leur donner leur subsistance et ne pouvait répondre à leurs demandes que par l'intermédiaire de ces morts ou de ces tombes qu'ils prennent comme intermédiaire entre eux et Allah, subhanahu wa ta'ala. On a déjà mentionné qu'ils font cela, car ils ont comparé Allah, subhanahu wa ta'ala, au roi de ce bas monde, qui ne répondent aux demandes de leur peuple et n'en ont connaissance que par des intermédiaires. Ils ont donc eu une mauvaise opinion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en le comparant à ses créatures. Et en faisant cela, ils sont tombés dans la mécréance majeure. Et on a vu dans les quatre règles, lors de l'étude de la deuxième règle, que ceci est exactement le polythéisme qu'accomplissaient les polythéistes de Quraysh vers lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et disent: ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la suite du verset, il a clairement exposé la fausseté de leurs prétentions. Et il a jugé l'auteur de cette prétention comme mécréant. Il dit subhanahu wa ta'ala: قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dit, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas, dans les cieux et sur la terre? Pureté à lui. Il est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. On voit donc à travers cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'intermédiaire. Il sait tout ce qui se passe sur terre et dans les cieux. Il sait même ce que renferment nos poitrines. Il n'a donc pas besoin que l'on prenne des intermédiaires entre nous et lui afin de lui faire parvenir nos demandes. Mais comme on l'a dit déjà dans un autre cours, au contraire, il nous a ordonné de l'invoquer directement. Et votre Seigneur a dit: invoquez-moi, je vous exaucerai. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ces intermédiaires qui sont des intermédiaires illégitimes auxquels il est obligatoire pour le musulman de mécroire et desquels il doit se désavouer. Et en plus d'être du polythéisme, comme on a dit, c'est une mauvaise pensée, une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et une façon de l'assimiler à ses créatures. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: le troisième, c'est-à-dire le troisième annulatif, quiconque n'excommunie pas les polythéistes, doute de leur mécréance ou approuve leur idéologie à mécru. Ceci est donc le troisième annulatif de l'islam que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ici. Et cet annulatif, il est lié au takfir, que l'on pourrait traduire en français par l'excommunication. C'est le fait de considérer un individu mécréant, ou de statuer de la mécréance d'un musulman. Et le takfir, c'est un jugement qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc présent dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, si tu lis le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras que dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala juge de la mécréance d'individus, comme par exemple les juifs, les chrétiens ou les polythéistes. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Al-Ma'idah: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ. Ils sont certes mécréants, ceux qui disent Allah est le Messie fils de Mariam, c'est-à-dire les chrétiens. Ils sont certes mécréants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe très clairement qu'ils sont des mécréants. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Bayyinah, cette surat que vous connaissez certainement tous, au verset 6: Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal-mushrikina fi nari jahannam. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes iront au feu de l'enfer. Donc on voit également que ce verset est très clair. Et les versets à ce sujet sont très nombreux dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire pour nous de faire le takfir, c'est-à-dire de considérer mécréant tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont jugé mécréant. Ceci est une obligation pour le musulman. Tu dois avoir la ferme conviction de cela. Tu dois y croire avec certitude, sans être touché par aucun doute à ce sujet. Car le fait de renier cela, ou d'avoir un doute à ce sujet, cela revient alors à démentir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou à douter de la véracité de son livre. C'est pour cela que celui qui ne fait pas le takfir des polythéistes, ou doute de leur mécréance, ou pire encore, comme l'auteur l'a dit, approuve leur idéologie Alors celui-ci est lui-même un mécréant, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit, dans une de ses fatawas, tous ceux dont la législation a jugé de leur mécréance, il est alors obligatoire de faire leur takfir. Et celui qui ne considère pas mécréant, ceux qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont jugé mécréants, alors c'est lui-même un mécréant. Et ce, si leur mécréance est confirmée pour lui par une preuve religieuse. On voit donc à travers sa parole qu'il est indispensable que cela soit confirmé par les preuves pour celui qui le renie, c'est-à-dire que la mécréance de la personne en question, ce soit une mécréance claire et évidente, comme la mécréance des juifs et des chrétiens. Celui qui doute de la mécréance de ce type de personne, alors c'est lui-même un mécréant. Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, a dit, celui qui renie la mécréance des juifs et des chrétiens, qui n'ont pas cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'ont traité de menteur, il a alors certes démenti Allah, et démentir Allah est de la mécréance. Ainsi, quiconque doute de leur mécréance, alors il n'y a pas de doute quant à la sienne. Il est donc important pour nous de savoir que ce que l'auteur vise ici, rahimahullah ta'ala, c'est la mécréance sur laquelle les gens de science sont unanimes, et qui est claire et évidente. Et ce n'est en aucun cas la mécréance au sujet de laquelle les gens de science ont divergé, comme c'est le cas, à titre d'exemple, du délaissement de la prière par paresse ou négligence. Les savants divergent à ce sujet. Certains considèrent que celui qui délaisse la prière, il est mécréant, quelle que soit la raison pour laquelle il l'a délaissée, même s'il l'a délaissée par paresse ou par négligence. Et d'autres considèrent que celui qui a délaissé la prière, s'il l'a délaissée par paresse ou par négligence, et qu'il reconnaît l'obligation de la prière, alors, bien qu'il soit coupable d'un grave péché qui relève de la mécréance mineure, il le considère tout de même musulman. Il ne considère pas qu'il est sorti de la religion de l'islam. Ceci est donc une question qui est sujette à divergence entre les gens de science. Donc si quelqu'un doute de la mécréance de celui qui délaisse la prière, ou alors qu'il s'abstient et qu'il dit qu'il ne sait pas, alors celui-ci, il n'est pas permis pour nous de dire qu'il est mécréant car la question est sujette à divergence entre les gens de science. Donc ces questions, comme vous le voyez, ce sont des questions qui sont très pointilleuses. C'est pour cela qu'il est obligatoire pour nous de faire preuve de prudence et de ne pas s'empresser. Il est plutôt obligatoire pour chacun d'entre nous de ne pas s'avancer sur ces choses avant d'avoir interrogé les gens de science, et ce afin d'agir avec clairvoyance. Et on voit que l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans cet annulatif, il a fait la différence entre trois cas. Il a dit le premier, c'est celui qui ne considère pas les polythéistes mécréants, c'est-à-dire il n'affirme pas leur mécréance ou alors il s'abstient. Il refuse de dire, par exemple, que les juifs et les chrétiens sont mécréants. Celui-ci est lui-même un mécréant. Le deuxième, c'est celui qui doute. Il ne sait pas, il est hésitant. Tu lui dis, est-ce que ceux qui disent que Jésus est le fils d'Allah ou que Jésus et Allah sont des mécréants, il te dit je ne sais pas. Allahu a'lam. Celui-ci aussi, il est lui-même mécréant, car en réalité, il doute de sa religion. Il ne fait pas la différence entre la foi et la mécréance, entre le tawhid et le shirk, entre le monothéisme et le polythéisme. Donc son doute et son hésitation le font sortir de la religion de l'islam. Et le troisième cas que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, c'est le pire, c'est celui qui approuve leur idéologie. Il approuve l'idéologie des polythéistes, et il va même jusqu'à les défendre. Et malheureusement, ces gens-là, ils sont très nombreux à notre époque. Comme ceux qui appellent à l'unité des religions, et qui prétendent que le judaïsme et le christianisme, ce sont des religions authentiques, au même titre que l'islam. Ou qui prétendent que les adeptes de ces religions, ce sont tous des croyants, et qu'il ne faut pas les appeler mécréants. Donc la mécréance de celui-ci, elle est beaucoup plus grave. Et il s'oppose à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans son noble livre وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera jamais accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Telle est la croyance du musulman. Et cette croyance, elle n'est pas négociable. Celui qui dément cela, qui dément la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait donc pas partie du nombre des musulmans. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, le quatrième, quiconque croit qu'une voix autre que celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est plus complète que sa voix, ou que le jugement d'autre que lui est meilleur que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement des tawarit à son jugement, est alors un mécréant. Comme vous le voyez, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a évoqué dans cet annulatif Différentes questions. Il a commencé par dire quiconque croit qu'une voix autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus complète que sa voix. Donc qu'est-ce qui est visé par la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La voix du prophète, c'est sa religion de manière générale, ainsi que sa ligne de conduite, celle sur laquelle il a cheminé, c'est-à-dire la voie qu'il a empruntée dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, la voie qu'il a empruntée dans l'enseignement, ainsi que la conduite qu'il a adoptée en termes de caractère et de comportement. Et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure et la plus complète. Comme il l'a lui-même dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Muslim, d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des discours est le livre d'Allah, et la meilleure des voix est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc obligatoire pour le musulman d'avoir la ferme conviction que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des voix. Et celui qui prétend que quelqu'un est meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en termes de conduite ou en termes de comportement, alors il a certes commis en cela de la mécréance majeure qui le fait sortir de la religion de l'islam. Et ce, à l'unanimité des gens de science. La deuxième question que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnée dans cet annulatif, c'est dans sa parole, ou ce que le jugement d'autre que lui, c'est-à-dire d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est meilleur que son jugement. Comme ceux qui préfèrent le jugement des Tawarit à son jugement, est alors un mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est important pour nous de comprendre qu'il a transmis le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il provient de qui? Il provient d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq li tahkuma bayna an-nasi bima araka Allah. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris. Donc on voit très clairement dans ce verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jugeait d'après le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris. Donc la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation de la part d'Allah. Et la sunna, elle explique le Coran. C'est la deuxième source de notre religion. Il est donc obligatoire pour tout musulman de respecter et de révérer la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la même manière que le Coran. Et d'accepter les jugements de la sunna de la même manière que les jugements du Coran. Et celui qui croit qu'il y a un jugement meilleur que celui du Coran et de la sunna, alors celui-ci sort de la religion de l'islam. Il y a une question qui se pose ici, c'est qu'est-ce qu'il nous incombe vis-à-vis des jugements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse à cette question, elle nous est mentionnée en partie dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa, au verset 65, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Mais non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris pour juge dans leurs disputes, et qu'ils n'éprouveront aucune gêne à l'égard de ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettront complètement à ton jugement. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous mentionne, et il a même juré, qu'il n'est pas possible pour le serviteur d'être réellement croyant, de concrétiser sa foi, si ce n'est par l'accomplissement de trois choses. La première, c'est qu'il est obligatoire pour toi que tu prennes pour juge le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de tes disputes et tes différends. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans Surat An-Nisa au verset 59, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous vous disputez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah, au livre d'Allah, et au messager, à la sunna du messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et ceci est une obligation pour le croyant. La deuxième chose, c'est qu'il ne suffit pas que tu prennes pour juge le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut que tu acceptes son jugement, que tu sois satisfait de son jugement et que tu n'éprouves aucune gêne à l'égard de son jugement. Et ceci fait partie de la concrétisation de la foi. Car il y a des gens qui prennent le jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, ils sont gênés. Ils n'en sont pas satisfaits. Donc le croyant, il se doit d'être satisfait des jugements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La troisième chose qu'il est obligatoire pour nous vis-à-vis des jugements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est indispensable après cela, après avoir pris le jugement du messager sallallahu alayhi wa sallam, après en avoir été satisfait, que tu te soumettes totalement à son jugement. C'est-à-dire que tu t'y soumettes de façon apparente ainsi que dans ton for intérieur. Et celui qui accomplit ces trois choses, il aura alors, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, concrétisé sa foi. Et comme on a dit, il est obligatoire pour le musulman de prendre pour juge le livre et la sunna. Et il est obligatoire pour le musulman de croire que tout ce qui s'oppose à cela est le faux et doit être rejeté. Toutefois, il est important de savoir que le statut de celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle diffère selon sa situation. Et on va mentionner quatre situations. La première situation, le premier cas, c'est celui qui croit que les peines légales légiférées en islam, comme la peine du voleur ou autre, la loi du talion, que celles-ci, elles ne correspondent pas à notre époque, qu'elles ne sont plus appropriées à l'époque contemporaine, et qu'il faut les changer. Celui-ci, il a commis de l'apostasie évidente, car en faisant cela, il a rejeté le jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il l'a accusé de défaillance. Et il n'y a pas de doute que ceci est de la mécréance, car il n'est pas permis pour le croyant de préférer un autre jugement à celui d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième cas ou la deuxième situation, c'est celui qui ne préfère pas un autre jugement que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui croit avoir le choix. Il dit on a le choix de juger entre la loi d'Allah qui est la meilleure et une autre loi. Alors celui-ci également, il est mécréant. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc celui-ci, il est mécréant, pourquoi? Car il a rendu égal les deux jugements. Le jugement d'Allah, qui est la pure vérité, et le jugement d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le faux. Le troisième cas, c'est celui qui croit que le jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est le meilleur, mais qu'il n'est pas obligatoire, et qu'il est permis de juger par autre que la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celui-ci est aussi mécréant car il a rendu licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite. Et le quatrième cas, c'est celui qui a la ferme conviction qu'il n'est pas permis de juger par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la loi d'Allah est la meilleure et la plus parfaite. Et que toute autre loi est fausse et défaillante. Toutefois, il juge par une autre loi pourquoi? Par suivi de ses passions, par désir d'un bien mondain, comme de l'argent ou le pouvoir ou autre chose encore. Tout en sachant qu'il est dans l'erreur et le péché. Alors celui-ci ne mécroit pas. Mais il a commis de la mécréance mineure, qui ne fait pas sortir de l'islam, bien que son péché soit un très grave péché, duquel il lui incombe de se repentir. Toutefois, celui-ci ne sort pas de l'islam. Et c'est sur ce cas que l'on applique la parole d'Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, qui a dit au sujet des versets de Sourate Al-Ma'ida, qu'il désigne une mécréance en deçà de la mécréance, c'est-à-dire une mécréance mineure. Ceci était donc quelques questions lié à cet annulatif. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit, le cinquième, quiconque déteste une chose apportée par le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a alors mécru, même s'il la met en pratique. Cet annulatif, il est lié à un point très important. Un point qui fait partie des fondements de notre religion. Et qui est l'obligation pour le musulman d'aimer tout ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a légiféré. Que ce soit une chose obligatoire ou une chose surérogatoire. Il est obligatoire pour le musulman d'aimer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et refuse de donner pour Allah, alors il a certes complété la foi. Et dans un autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'anse la plus solide de la foi est l'amour en Allah et l'aversion en Allah. Et ces deux hadiths ont été authentifiés par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc si telle est la situation de l'homme, qu'il n'aime qu'en Allah et ne déteste qu'en Allah, alors il sera préservé de cet annulatif inshallah ta'ala. Car cet annulatif, il consiste à éprouver de l'aversion pour une chose apportée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir du moment où tu sais que cette chose te provient du messager sallallahu alayhi wa sallam, tu vas impérativement l'aimer en Allah. Il n'est pas possible pour toi de détester cette chose. Donc tu te seras préservé de cet annulatif, bi'idhnillahi ta'ala. Reste à savoir quelle est la preuve de cet annulatif, c'est-à-dire quelle est la preuve que le fait de détester une chose apportée par le messager, sallallahu alayhi wa sallam, est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. La preuve est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au verset 8 et 9 de Sourate Muhammad, Lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَحْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. Quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux et il rendra leurs œuvres vaines. Voilà donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il nous parle de ceux qui ont mécru. Il les menace d'un malheur et de l'annulation de l'ensemble de leurs œuvres, que leurs œuvres soient vaines. Puis dans le verset suivant, il nous explique la raison de leur mécréance. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. C'est parce qu'ils ont eu de l'aversion pour ce qu'Allah a fait descendre qu'il a donc rendu vaines leurs œuvres. Telle est donc la situation de celui qui a de l'aversion pour une chose de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Que ce soit un verset du Coran, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un rite parmi les rites de notre religion, ou toute autre chose faisant partie de ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a de l'aversion pour cela, il sort de la religion de l'islam. Car cette aversion, c'est une preuve qu'en réalité c'est un hypocrite, qu'il n'a pas la foi, même s'il prétend être croyant. Et même si en apparence, il met en pratique ces choses pour lesquelles il a de l'aversion. Comme le cheikh l'a dit, rahimahullah, même s'il la met en pratique. Le simple fait d'avoir cette aversion dans son cœur, cela annule sa religion. Cela le fait sortir de l'islam. Et médite sur la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, qui a dit « Quiconque déteste une chose apportée par le messager, sallallahu alayhi wa sallam. » C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que la personne ait de l'aversion pour toute la religion. Mais si elle a de l'aversion pour une seule chose, un seul hadith authentique, une seule loi de l'islam, ses œuvres seront vaines et elle sortira de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver. On voit donc à travers cela le danger de cet annulatif. D'autant plus que l'aversion, c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur. Donc le musulman, il doit faire de grands efforts pour remplir son cœur d'amour pour cette religion et pour l'ensemble de la législation de l'islam. L'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, nous rapporte une très belle invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. D'après Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah en ces termes. Allahumma, inni as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba kulli amalin, yuqarribuni ila hubbik. Ô Allah, je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment, et l'amour de toute œuvre qui me rapproche de ton amour. Répète l'invocation. Allahumma, inni as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba kulli amalin, yuqarribuni ila hubbik. Ô Allah, je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment, et l'amour de toute œuvre qui me rapproche de ton amour. C'est-à-dire que tu demandes à Allah qu'il t'aide à l'aimer, qu'il t'aide à aimer ceux qui aiment Allah, et qu'il t'aide à aimer toute œuvre qui te rapproche de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'ensemble de la législation. Il convient donc aux musulmans de multiplier cette invocation, et ce afin de renforcer dans ton cœur l'amour que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que pour son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et pour l'ensemble de la religion. On a dit que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a précisé et dit, même s'il la met en pratique, il a mécru. C'est-à-dire que même si la personne met en pratique cette chose pour laquelle elle a de l'aversion, la met en pratique de manière apparente, ceci n'est pas suffisant. Mais il est indispensable que tu aimes cette législation, que tu crois en cette religion et que tu sois satisfait de cette religion. Quant à celui qui la met en pratique en apparence, mais qui a dans son cœur de l'aversion pour celle-ci, ou de l'aversion pour certaines lois de la religion ou pour certaines pratiques de la religion, alors celui-ci, il n'est pas croyant, aussi nombreuses soient les œuvres qu'il accomplit. Et quelle est la preuve de cela? La preuve, elle nous est mentionnée dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné sur les hypocrites? Qu'est-ce qu'ils faisaient, les hypocrites? Ne mettaient pas l'islam en pratique, en apparence? Ils priaient à la mosquée avec les musulmans? Tenaient des aumônes? Ils jeûnaient, en apparence? Il se peut même que certains se rendaient à certaines batailles avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils cachaient? Ils cachaient la mécréance et l'aversion envers Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc leurs œuvres apparentes, elles ne leur ont été d'aucune utilité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à leur sujet, « Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. » Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu. Donc ceci confirme la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, qui a dit, « Quiconque déteste une chose apportée par le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a alors mécru, même s'il la met en pratique. Ce n'est pas suffisant de la mettre en pratique. Il faut que tu aimes cette religion, que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, que tu aimes son messager sallallahu alayhi wa sallam, que tu aimes l'ensemble des lois de l'islam, que tu aimes la prière, que tu aimes les zakats, que tu aimes le jeûne. Il est obligatoire pour le croyant d'aimer ces œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées pour nous. Toutefois, il est important de souligner qu'il y a une différence entre le fait d'avoir de l'aversion pour ce qu'Allah a révélé et le fait qu'une personne soit parfois prise de paresse ou ait du mal à accomplir certaines œuvres. Par exemple, une personne a du mal à accomplir la prière de nuit à cause de sa paresse. Ou alors, elle a du mal à donner des aumônes de par son amour de l'argent. Elle a du mal à jeûner. Cela est difficile pour elle. Donc celui qui ressent ce sentiment, il n'est pas mécréant. Il est blâmé à cause de sa paresse ou son avarice, mais on ne dit pas qu'il est sorti de la religion. Car ceci est un sentiment qui peut être naturel, et contre lequel il incombe aux croyants de lutter et de faire des efforts. Et méditez à ce sujet, sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné, au sujet du combat lorsqu'il a été prescrit en islam. Cela fut difficile pour les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 216 de sourate al-Baqarah: Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. C'est-à-dire qu'il est difficile pour vous. C'est difficile de combattre. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Or il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Donc le fait que la personne soit paresseuse, n'arrive pas à multiplier certaines œuvres de bien, ou qu'elle soit avare, qu'elle a du mal à donner des aumônes, ceci n'est pas de la mécréance. Toutefois, cela indique un manque de foi. C'est-à-dire que la personne, elle doit lutter contre sa personne et faire des efforts pour se débarrasser de cette paresse et de cette avarice. Mais il faut faire la distinction entre cela et le fait d'avoir de l'aversion, de détester une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée. Celui qui est paresseux ou celui qui est avare, il ne déteste pas la prière de nuit, il ne déteste pas l'aumône, mais il a du mal à les accomplir. Cela est donc différent, il faut donc bien faire la distinction entre ces deux questions. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On a vu les cinq premiers annulatifs, et on verra les cinq autres dans l'assise de demain, bi'idhnillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit, et écoutez, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.